fais rentrer des lovés en période de crise. Ça cœur sans cote neuf, ça sent la perquise. Bif, bif, bif, bif, bif. Même toi t'es bras, je pense qu'à mon bénéfice. Je dois rester concentré sur le trafic. Tous les gens pensent qu'à me faire du flic. Coke pur, négro, maléfique. Ma chérie cache des grappes dans son soutif. Quand on débarque, on attire ta petite. C'est triste à dire, mais la street m'attire. Assez de pocheton pour les zombies de la ville. Assez de pocheton pour les zombies de la ville. Je suis encore foncé de la veille. J'ai le touchu qui rend des billes. Il fait des pulls, il met des balles. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Je ne fais qu'encaisser, encaisser, encaisser. En espèce, en chéquier, en CB. Encaisser. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Je ne fais qu'encaisser, en espèce, en CV, en chéquier, encaisser, encaisser, encaisser. Elle est en train de pépon, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des cultures, ramasse des culs de pète, c'est inquiétant. Elle est en train de pépon, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des cultures, ramasse des culs de pète, c'est inquiétant. Je suis dans la zingue, tu vois ce que je veux dire. Il agrippe son brolic dès qu'il se réveille. Je rêve d'empiler ce fric sur des kilomètres. On va pull up, t'oraser pour ta recette. Sa mère les impôts de l'oseille des lingots. J'ai cramé 4 bleus dans le berlingot. Et les petits jeunes veulent le terrain tôt. Rate tes foyers comme à Toronto. Tu veux être une grosse tête dans le réseau. Tu sors ton 44, tu parles pas trop. Sa vie crasse, ta charbonne, c'est trop tard. Rentre dans la barre, pas la toiture. Ta femme va finir sur le trottoir. Si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Tu me rates dans l'après-midi, je reviens ce soir. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse, j'encaisse.